بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله مشايخ نحمد الله سبحانه وتعالى nous louons Allah سبحانه وتعالى nous le remercions جل في علاه qui nous permet de s'asseoir. Faut que vraiment on ressente du fond de notre cœur que s'asseoir comme ça dans une maison d'Allah سبحانه وتعالى pour évoquer Allah عز وجل, pour évoquer son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des versets du Coran ainsi que des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des plus grands bienfaits, si ce n'est le plus grand, que puisse donner Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur. Le bienfait de l'islam, le bienfait du din, le bienfait de la religion, le bienfait de la foi, ce qui sous-entend la préservation des pires maux, des pires choses qui sont la mécréance, qui sont l'égarement, qui sont toute autre idéologie, toute autre religion que l'islam. Car l'islam est la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Il dit, jalla fi'ula, inna ad-din 'inda Allah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et il dit aussi, wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min. Et celui qui adopte une autre religion que l'islam, ceci ne sera jamais accepté de sa part. Et il fait partie dans l'au-delà. Et il fait partie des perdants dans l'au-delà. Donc il faut remercier sincèrement et profondément Allah subhanahu wa ta'ala du fond de notre cœur. D'abord par notre cœur, aussi par notre langue. Nous le louons, nous disons Alhamdulillah. Pas de manière routinière comme le font beaucoup, mais en réfléchissant au bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, en réfléchissant à ses noms et à ses attributs sublimes, subhanahu wa ta'ala. Et de même, par notre corps, nous remercions Allah, subhanahu wa ta'ala, tout comme était la voix du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, jusqu'à ce que ses pieds se fendillent. Et Aïcha lui disait, « Lima tasna'u hadha ya Rasulallah ?»« Pourquoi est-ce que tu fais cela, ô messager d'Allah ?»« Wa qad ghafara Allahu laka min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhara » Alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés, passé et futur. Il répondait, alayhi salatu wassalam, faisant comprendre à Aïcha qu'il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala simplement pour éventuellement que ses péchés soient pardonnés, mais il adore Allah subhanahu wa ta'ala par remerciement. Il lui a dit, afala uhibbu an akuna abdan shakura. Est-ce qu'il ne m'appartient pas de me comporter comme un serviteur remerciateur? Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés à l'islam et de nous permettre de s'asseoir. Le sujet aujourd'hui de notre cours, de ce modeste cours, nous avons dit que c'était l'éducation des enfants à travers la sourate Luqman. La sourate Luqman. Le fait d'avoir un enfant, c'est aussi un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à certains couples. Il en prive certains et il donne des enfants à d'autres couples subhanahu wa ta'ala. Dans ce don-là, Allah subhanahu wa ta'ala est savant. Allah subhanahu wa ta'ala est aussi sage. أَفْعَلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا تَنْفَكُ عَنِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَدًا لِهَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ مَثَلًا فَعَلَى عِلْمٍ وَبِحِكْمَةٍ وَإِنْ مَنَعَ هَذَيْنِ فَبِعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un enfant à tel couple, c'est avec science et sagesse. Et lorsqu'il prive un autre couple, c'est encore avec science et sagesse, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir un enfant, c'est un bienfait. Et notre din exhorte à se marier d'abord. Il exhorte les jeunes à se marier. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, « Ya ma'ashara al-shabab, ô vous les jeunes, ô jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. » Celui qui en a les capacités, qu'il se marie. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné aux jeunes qui en ont la capacité de se marier, de choisir une épouse, de choisir une épouse. Et l'épouse, elle est choisie de manière générale chez les gens, de par quatre critères, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tunkahu al-mar'atu li-arba', li-maliha, wa li-hasabiha, wa li-jamaliha, wa li-diniha, fadfar bi-dhati din, taribat yadak. La femme, de manière générale, on lui demande la main pour une de ces quatre raisons. Sa beauté, son argent, sa position sociale, ou bien pour sa religion. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a montré que c'est la quatrième condition que nous devons regarder de manière prioritaire. Ce n'est pas la seule, mais de manière prioritaire, c'est celle-ci. Il a dit, choisis celle qui a la religion et tu auras fait le bon choix. Donc notre religion, notre législation exhorte au mariage. Le mariage, il a des objectifs. Comme la législation, notre char, il a des objectifs. Parmi l'objectif du mariage, et l'un des principaux, c'est le fait de faire perdurer donc la lignée humaine. Car l'être humain, il perdure, l'espèce humaine, et notamment aussi donc les musulmans parmi les humains, ils perdurent de par le mariage. De par le mariage entre un homme et une femme. Et donc, cette espèce va perdurer lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner des enfants à certains. Et celui qui a reçu un enfant, qu'il sache qu'il a reçu un grand bienfait de la part de son Seigneur. Mais est-ce qu'un enfant en soi-même c'est un bienfait? Ou c'est un bienfait lorsqu'on va l'investir dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? C'est un bienfait lorsque on va, Inch'Allah, l'éduquer comme Allah subhanahu wa ta'ala veut. Car ça peut être une fitna pour nous. Et c'est aussi un adou pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala décrit nos enfants comme étant une tentation. Et même un ennemi. Il se peut qu'il nous détourne des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. D'où l'intérêt pour le couple d'éduquer cet enfant-là comme il se doit. Et notre religion, chose que l'on doit se rappeler, mais qui est banale, elle englobe tout. Tous les domaines de la vie. L'islam, ce n'est pas une religion de mosquée. Et dans la rue, on n'est plus musulman. Non, l'islam est venu dire à l'être humain comment se comporter dans la mosquée, comment se comporter chez lui, comment se comporter au travail, comment se comporter lorsqu'il est gouverné, monsieur et madame tout le monde, lorsqu'il est gouverneur, aussi il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, il doit obligatoirement vivre et diriger son pays selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc l'islam est globalisant, c'est une religion qui englobe tous les domaines de la vie. Donc l'islam aussi a apporté donc les règles permettant de bien éduquer son enfant. Et il n'y a pas de doute que celui qui éduque son enfant avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le chemin donc édicté par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il réussira. De manière générale, il réussira. Mais bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala veut que cet enfant soit pieux. Et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc n'a rien laissé au hasard. Il n'a pas laissé quelque chose qui revêt une telle importance, qui est le futur des générations, l'avenir de cette communauté. Il ne l'a pas laissé au goût des gens. Il ne l'a pas laissé non plus simplement à l'expérience. Car l'expérience permet d'augmenter en science. Elle permet d'apprendre par les erreurs, qu'il ne faut plus passer par ce chemin-là, mais que désormais il faut prendre celui-ci. Mais l'éducation des enfants étant quelque chose de tellement important, Allah subhanahu wa ta'ala en a donné les fondements dans son livre. Et notamment dans la sourate Luqman, qui est une sourate qui est importante et qui est une sourate que tout couple, Inch'Allah, doit essayer de lire avec méditation, et notamment l'histoire de Luqman avec son fils, et dans laquelle il va donner diverses injonctions, divers ordres interdits à cet enfant. Il va nous donner les fondements de l'éducation des enfants. Donc certains parmi nous ici ont des enfants, qu'ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils soient attentifs, Inch'Allah, aux modestes paroles qui vont être dites, afin bi'iznillah azza wa jal que notre éducation de nos enfants se fasse le mieux possible. Car nos enfants, ayyuhal ikhwa, c'est l'avenir de cette communauté. Un enfant, aujourd'hui il marche à quatre pattes, demain ce sera un adulte. Demain, à son tour, il se mariera. Demain, ce sera peut-être quelqu'un qui guidera un pays, une communauté. Ce sera peut-être un savant, ton enfant. Ce sera peut-être un imam. Ce sera peut-être un médecin. Ce sera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra qu'il soit, jalla fi'ula. Mais toi, tu te dois de optimiser cet investissement-là. De faire de ton mieux afin que sa vie réussisse dans ce bas monde et dans l'autre. Pour ça que c'est vraiment un grand rôle que d'être parent. Ce n'est pas un amusement. Certains simplement veulent des enfants comme ça. On voit certains couples, ils se marient jeunes, ils veulent avoir des enfants, ils sont pressés et parfois Allah subhanahu wa ta'ala les prive d'avoir des enfants et ils sont parfois mécontents de cette situation-là. Mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te prive, il le fait par sagesse et science, tout comme il a donné à d'autres avec sagesse et science. Et c'est parfois parce que tu n'es pas prêt. Parfois tu es immature, toi comme ta femme. Tu n'es pas mature pour avoir un enfant et tu n'as parfois même pas les outils législatifs du Qur'an et de la Sunna pour savoir comment éduquer ton enfant. Et l'amour ne suffit pas pour bien éduquer. Aimer quelqu'un, aimer un enfant, ce n'est pas suffisant pour bien l'éduquer. D'ailleurs, même l'amour parfois amène les parents à perdre leurs enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner des fondements concernant l'éducation des enfants. Donc sur la langue de Luqman, alayhi salam. Luqman, les salafs ont divergé. Est-ce que c'était un prophète ou non? L'avis le plus authentique, c'est que ce n'était pas un prophète, radiyallahu anhu, ou alayhi salam. Certains ont dit ça, comme Ikrima, rahmatullahi alayhi, mais c'est une parole qui est faible. Et l'avis majoritaire, c'est que c'était quelqu'un de pieux. Et c'était quelqu'un qui était sage. C'était quelqu'un qui était, certains disent, de Misr, de l'Égypte. L'Égypte est plus large que l'Égypte actuelle, quand on entend Misr dans les anciens livres. D'autres disaient du Soudan, donc c'est les personnes de couleur noire qui sont au bord de l'Égypte. C'est encore le Soudan actuel et autres. Et c'était quelqu'un qui était noir, qui était de couleur noire, Dhu Mashafir, qui avait des grosses lèvres, rahmatullahi alayh, et qui avait le nez aplati aussi, comme c'est rapporté par beaucoup de savants parmi les Mufassirin. Et c'était quelqu'un de sage, qui de manière générale était silencieux, qui avait un parler pertinent, et lorsqu'il parlait, il parlait pour dire un bien, tout comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a ordonné aux croyants. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ. Et que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'Allah nous donne cette qualité-là, Inch'Allah. Et Luqman, il est appelé Luqman al-Hakim. Luqman ibn Qan'a, fils de Qan'a, al-Hakim, le sage. Car il disait beaucoup de sagesse. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a apporté les fondements de l'éducation des enfants sur la langue de Luqman, radiyallahu anhu, alayhi salam, c'est parce que l'éducation des enfants demande en elle-même de la sagesse. Une des qualités qu'il faut obligatoirement, c'est al-hikmah. Al-hikmah. Al-hikmah en soi-même, ça demande aussi un dars. Car beaucoup de gens pensent que al-hikmah, c'est toujours la douceur. Mathalan. Ça aussi, c'est une erreur. Al-hikmah, c'est beaucoup plus large que ça. Qu'est-ce que al-hikmah? C'est mettre la bonne chose au bon moment. Mettre la bonne chose au bon moment. Donc, ça demande de connaître la personne. Donc il faut connaître cet enfant, il faut connaître le moment où on va lui parler, il faut connaître la chose qu'on va lui ordonner. Donc Luqman était quelqu'un de hakim, qui savait ce qu'il disait, qui savait à qui il parlait, il savait le moment où il parlait. Et la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, elle est décrite comme étant al-hikmah dans le livre d'Allah. On ne trouve pas le mot sunna dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alayhim ayatihi » وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةَ فِي عِدَّةِ مَوَادِعَ. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager parmi eux afin qu'il récite sur eux les versets d'Allah et qu'il les purifie et qu'il leur enseigne donc le Coran, le livre, Al-Kitab, Wal-Hikmah et la sagesse. Pourquoi est-ce que la sunna est appelée sagesse? Parce que la sunna, c'est la pratique du Coran comme il faut, au moment où il faut, comme il se doit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est la mise en pratique du Coran comme il se doit. Donc, al-hikmah, qu'est-ce que al-hikmah? Avec les parents, avec l'enfant, avec les gens, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas tout le temps, comme pensent les gens, être cool, la douceur, tout ça, non. Al-hikmah, c'est avoir le bon comportement, le bon avis, avec la personne qu'il faut, quand il faut. Donc, c'est la pratique même de la sunna. Qu'est-ce que quelqu'un qui est sage? C'est quelqu'un qui pratique la sunna, même si tout le monde le traite de radical, d'intégriste, de trop dur, etc. Al-hikmah, c'est la pratique de la sunna. Lorsque tu pratiques la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, tu es hakim. Mais il faut la pratiquer comme il faut, avec la hiérarchie. C'est pour ça que Luqman va nous enseigner divers fondements de l'éducation des enfants. Et il va commencer par le plus important. Et il va ensuite aller vers ce qui est aussi tout important, qui est d'une grande importance, mais qui est moins important que ce qui a été cité auparavant. Donc dans ce qui va être cité, il ne va pas tout citer. Car l'éducation des enfants, c'est quelque chose de vaste. Mais il va citer les fondements. Et dans les fondements cités, il va citer ce qui est le plus important, et il va ensuite passer à des actes, des comportements de moindre importance. Et il va aussi, radiyallahu an, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle sur la langue de Luqman, il va nous citer divers domaines de la religion comme on va le voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنُشْكُرْ لِلَّهِ. En hafs on dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. Et nous avons certes donné la sagesse à Luqman et nous lui avons ordonné de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Et celui qui remercie, certes en réalité, il remercie pour lui-même. Car est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de notre adoration? Est-ce que le asr que nous avons fait a enrichi Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il a enrichi Allah? Non. Et est-ce que le kufr du kafir, la mécréance du mécréant, appauvrit Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour combler un vide, hein, ou pour se divertir. Jalla fi'ula, ta'ala Allahu an hadha. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour qu'on l'adore. Et notre adoration, l'intérêt de l'adoration revient à nous. Allah subhanahu wa ta'ala a été et nous n'étions pas. Donc celui qui remercie, en réalité, il ne remercie que pour lui-même. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Et celui qui mécroit, Allah il est riche et il est digne de louange. Subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. جَلَّ فِعُلَا Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et c'est là que commencent donc les fondements de l'éducation des enfants. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشِرْكِ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Et lorsque Luqman dit à son fils, il dit à son enfant, « Ya Bunay, ô mon fils, ô fiston !» Ici, cette expression « Ya Bunay », c'est une expression de tasrir. Luqman parle avec un diminutif à son fils. Et lui parle avec affection. « Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya Bunay la tushrik billah » Et lorsque Luqman dit à son fils, « Wa huwa yu'idhuhu » alors qu'il était en train donc de lui faire des paroles douces. « Al-maw'idha »« Al-idha » c'est le sermon qui vise le cœur. Al-raqa'iq, c'est le sermon qui vise le cœur à adoucir le cœur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, « Ya bunay la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. » Ô mon fils, n'associe pas à Allah, car l'association, car le shirk, l'associationnisme, est une injustice énorme. Première chose que l'on prend dans l'éducation des enfants, c'est qu'il faut parler avec des expressions donc qui sont douces, des expressions qui vont attirer l'enfant à être attentif donc au discours du père ou bien de la mère. Ici c'est le père qui est cité, Luqman, mais ces fondements-là sont aussi valables donc pour la mère. Ya bunay, il n'a pas dit oh toi, sans parler de certains qui insultent leurs enfants lorsqu'ils veulent leur donner un conseil ou une injonction, mais il a dit ya bunay, oh mon fils. Ya bunay bit tasghir li talattuf wa li taqrib, afin de mettre une affection entre lui et son enfant et de réduire la distance qui peut exister par le charisme du père, et lui a donc donné cette expression-là. Mais nous sommes, nous, dans le juste milieu. Il n'a pas donné donc une expression qui montre al-jafa, la négligence, la dureté, donc il va faire fuir l'enfant, mais non plus il n'a pas cassé le charisme naturel qu'Allah lui a donné de par le statut de père. Donc aussi, il ne faut pas être dans l'extrême de certains qui parlent à leur enfant comme ils parlent entre guillemets à un copain, comme ils parlent à quelqu'un de leur âge. Non, surtout quand il n'est pas en âge donc d'être adulte ou d'être pubère, il faut garder cette distance père-fils. Il lui a dit, « Ya bunay la tushrik billah » N'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par quoi est-ce qu'il a commencé? Radiallahu anhu, il a commencé par le mettre en garde contre le shirk. Contre le shirk. Donc là, il faut être attentif, mes frères. Il lui parle de tawhid. Il lui parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chose la plus importante et la première chose sur laquelle tu vas être questionné par rapport à l'éducation de tes enfants, est-ce que tu leur as enseigné le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu les as avertis contre le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala? Car ceci est la prêche de tous les prophètes. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Et nous avons certes envoyé dans toute communauté un messager. أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ Adorer Allah et délaisser l'adoration du tarout. Tous les prophètes sont venus à leur peuple avec ceci. Et la raison même de notre création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Le père et la mère qui sont conscients du rôle qu'ils ont et qui sont aussi savants de la hiérarchie des ordres et des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala vont ordonner comme première chose à leur enfant d'uniciser Allah subhanahu wa ta'ala, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la chose sans laquelle ton fils, s'il meurt, sera éternellement dans les flammes de l'enfer. Chose que ne comprennent pas certains parents. Ils commencent tout de suite par la prière. Ils commencent tout de suite par le hijab. Certains commencent par la barbe, dans la prêche même générale avec les gens. Certains imams, certains prêcheurs ou autres. La première chose par laquelle on doit débuter, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas concrétisé le tawhid entrera au paradis? Réponse? Oui. Est-ce que quelqu'un qui a concrétisé le tawhid mais qui a péché en ne mettant pas le hijab pour une femme, est-ce qu'elle entrera un jour au paradis? Oui. Même si elle séjourne éventuellement, on ne dit pas qu'elle séjournera de manière sûre en enfer du fait qu'elle ne mettait pas le hijab, mais il est probable qu'elle aille en enfer si Allah ne lui pardonne pas. Est-ce que quelqu'un qui a concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui était ivrogne s'éternisera en enfer? Non. Or, quelqu'un qui ne buvait pas, quelqu'un qui mettait le hijab, quelqu'un qui faisait beaucoup d'ordres d'Allah Azza wa Jal, mais qui était mushrik, qui est associé à Allah Azza wa Jal, sentira-t-il l'odeur du paradis? Non. Il n'entrera pas au paradis. Donc la première chose que l'on doit enseigner à nos enfants, c'est le tawhid. Mais comment? Comment va-t-on enseigner le tawhid à des enfants? Va-t-on l'enseigner comme à des adultes? Comment est-ce qu'il lui parlait l'Uqman? Wahuwa ya'idhuhu. Il lui faisait une mo'idha. Ton tawhid, il doit interpeller le cœur de cet enfant. Il ne doit pas interpeller simplement son cerveau par des règles. Tu dois lui parler comme on parle à un enfant. Tu lui parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui parles de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui parles des noms et des attributs d'Allah jalla fi'ula. Tu lui fais aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui fais craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui apprends à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui apprends à être sincère avec Allah azza wa jalla dans son quotidien. Il a menti, tu ne lui dis pas mentir c'est haram, point. Non, tu fais un lien entre le mensonge et le fait qu'Allah le voit, l'entend. Et que Allah va le questionner sur ce mensonge-là. Et que ce mensonge, Allah ne l'aime pas. Et que si certes, dans ce bas monde, il va lui permettre de se sortir d'une situation, mais qu'il ne pourra pas esquiver le rendez-vous avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que ce mensonge-là, il va être écrit et qu'il va le retrouver dans l'au-delà. Même si en réalité, il n'est pas marqué, il n'a pas encore de livre s'il n'est pas pubère. Mais tu l'éduques dans ce sens-là. وَهُوَ يَعِذُهُ. Il faut que notre discours avec nos enfants, il ait un sens de مَوْعِذَا. Et la مَوْعِذَا, c'est quoi? C'est quelque chose qui interpelle le cœur. Qui interpelle le cœur. C'est quelque chose qui amène à aimer Allah, à pleurer, à craindre Allah, Azza wa Jal. Même si l'enfant, il n'a pas encore cette chose-là. Rares sont les enfants qui pleurent par crainte d'Allah, hein, ou qui pleurent par espérance d'entrer au paradis. Mais il faut lui travailler cette chose-là. Car ses paroles, il ne les oubliera pas. Et il est dans une période de flexibilité, de malléabilité que tu ne retrouveras pas plus tard. C'est comme du ciment qui va durcir. L'humain ne durcit jamais à 100%. Le vieux de 100 ans, tu lui parles d'Allah Azza wa Jal. Et tu lui fais une mo'idha, tant qu'il est vivant, son cœur, il est réceptif. Mais pas comme celui de l'enfant. Celui de l'enfant, il est beaucoup plus captif que celui de la personne qui a un long vécu mondain derrière lui. Donc il faut profiter de cette période et donc lui parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas rentrer dans la pseudo-sagesse de certains qui disent « mais ça ne sert à rien, ça c'est iconé ». Non, il faut justement que toi tu entretiennes cette fitra qu'il a. Car en réalité il a dans sa fitra l'existence d'un Dieu unique, Allah, omnipotent, omniscient, et qu'il doit à lui seul vouer un culte. Tout enfant né musulman, n'est-ce pas? Dans le Bukhari ou Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Kullu mauloudin yuladu ala al-fitra ». Tout enfant né selon la fitra. Qu'est-ce que la fitra? C'est l'instinct musulman. Il a en lui-même cet instinct selon lequel Allah existe. Qui t'a créé? Allah. Vers qui tu vas revenir? Allah. Ce sont des choses qu'il a de manière instinctive. Ensuite, qui intervient dans la déviation de cet enfant-là ou bien dans la préservation de cette fitra? Il dit فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Puis ses deux parents en font un juif, un chrétien ou bien un adorateur du feu, un majous. Et sous-entendu, ses deux parents en font un musulman aussi. En font un musulman. Après la volonté divine, la volonté d'Allah Azza wa Jal, s'il veut qu'il soit mécréant malgré ton éducation islamique, il sera mécréant. Mais au moins tu seras déchargé yawm al-qiyama de ne pas avoir participé à l'égarement de ton enfant. Donc premier fondement, at-tawhid. Premier domaine, al-aqida. Le premier domaine, c'est al-aqida. Et c'est le premier domaine donc que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux prophètes donc d'amener à leur peuple. Et aussi le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il a ordonné donc comme premier domaine à développer aux gens du Yémen, il lui a dit de leur développer le tawhid. Il lui a dit, tu vas arriver à des gens qui sont des gens du livre. Tu vas arriver à un peuple qui sont des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah. S'ils acceptent cela, s'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières de jour et de nuit. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire une zakat qui est prise de leurs riches et qui est rendue à leurs pauvres. Donc premier fondement, le tawhid. Ça c'est pas à passer... Si on vient scanner la plupart des familles, ils ne parlent pas de tawhid, ayyuha al-ikhwa. Ils ne parlent pas d'unicité d'Allah azzajal à leurs enfants. Ça, c'est s'ils sont déchargés de talab, de ramshu lala flana, lala shafiya et tout le reste. Si jamais ils sont préservés de tout ce qui est shirk des walis, des tombeaux, s'ils vont pas au bled voir un petit tombeau de temps en temps au mois de juillet ou au mois d'août, si jamais ils sont préservés de ça. Mais parler de tawhid, c'est quelque chose qui se fait rare. Souvent on entend Wandaw Salah Inch'Allah, on va commencer Salat. Salat pour qui? Non mais c'est une vraie question, Salat pour qui? Il faut que tu m'expliques là. Pourquoi je vais poser le front? Pour qui? Celui à qui je vais poser le front, il mérite? C'est qui? Je veux savoir qui c'est. Or parfois on voit que pendant 10 ans on n'a jamais parlé d'Allah à son enfant. Jamais parlé. École, cartable, casse-croûte, tilfaza, n'as. وصلت 12 عام غنصلي وليدي لمن غنصلي شكون هذا الاله انا خاص تشرح لي هذا الاله اللي غنصلي شكون غنصلي لي دووار ولا التلفازه اللي 12 عام كنتفرج فيها انا ما عمرك ما سمع عمرني ما سمعتك شرحتي لي شكون هذا الاله ما صفته من هو لماذا انا ساعبده دونك سي امبورطون دو ديفلوبي لو بروميير مايون دو لا شين لا لوكوموتيف qui va faire que tous les autres wagons vont avancer, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid d'Allah azza wa jal. Et ensuite, quand on va ordonner la prière, ça va être naturel. Effectivement, il mérite l'adoration. Et regardez la sagesse subhanallah que l'on trouve dans la sunna. On va y arriver après, parce qu'on va trouver ça dans surat Luqman. L'obligation de la prière, elle arrive à quel âge? À 10 ans. Et l'enseignement à 7 ans. De 0 à 7, il n'y a rien? De 0 à 7, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a du tawhid? Bien sûr qu'il y a du tawhid. Dès qu'il comprend l'enfant, il y a du tawhid. Et notamment ici, celui qui a son enfant à la maternelle lui apprenne joyeux Noël, il faut que lui redouble de tawhid à la maison. Celui qui a son enfant qui fait des cartons, qui fait des cartes avec des œufs de Pâques, à chaque fois, il faut que aussi il redouble de tawhid. Celui qui a son enfant au collège, lui apprenne le darwinisme, il faut qu'il redouble de tawhid à la maison. Il faut qu'il redouble de tawhid pour que son enfant il ait la force d'affronter les fitnas, les tentations qui est autour de lui. Mais sinon, salli, ou le dimedznich, faut pas forniquer, ramem zienj. Mais tu lui as pas donné la force, le frein à main, là, qui va le faire freiner lorsqu'une belle fille va être en face de lui. Qu'est-ce qui va lui mettre un frein? Je ne dois pas aller la draguer. Tout le monde va aller en discothèque au lycée. Je suis le seul musulman à prier de la classe. Quel est ce frein-là qui fait que quand ils vont me dire, oh, tu viens ce week-end? Non, je ne viens pas. Quel est ce frein? Ou bien je vais rentrer à la dégoûtée de la vie à la maison. Allah ghalib, mon père c'est un hajj, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Allah ghalib, je suis musulman, je peux rien y faire. Tu vois? Quel est ce frein qui avec Izza, il va pas y aller? C'est le frein de toute la rububiya et l'uluhiya que tu lui as mis, de tout le tawhid que tu lui as mis quand il était jeune. Tu l'avais rempli à aimer Allah, à le craindre et à l'uniciser. Quand la législation vient, avec facilité il applique. Avec facilité. Derrière, il y a des parents. Ils l'ont rempli. Depuis tout petit, ils l'ont rempli dans sa poitrine. Parce que la azama d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est là. Mais celui qui sait, on lui donne l'ordre et l'interdit comme ça, c'est une feuille sans tronc, ça tombe par terre. Donc ça, c'est le premier domaine, mes frères. Celui qui ne parle pas tawhid à ses enfants, il y a tout bilallah. Il se repent et dès aujourd'hui, il s'assoit avec ses enfants et il leur parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il les met en garde contre le shirk. La tu shirk billah, inna shirka, la zulmun azim. N'associe pas à Allah, car l'associationnisme est une grande injustice. C'est la pire des injustices. Wallahi, que celui qui a un enfant qui a violé, qui est plein d'insultes dans la rue, etc. C'est une honte, c'est vrai, lorsque les gens nous disent que ton fils est comme ça. Mais sache que s'il est mouahid, qu'il a concrétisé le tawhid, la yushirik billah, il a ses ma'as, il a ses péchés, sache que tu dois avoir moins honte que celui qui a son enfant qui, selon le référentiel de la société, c'est un bon citoyen, mais que c'est un mouchérik. Or, est-ce qu'on a ça, nous? Est-ce qu'on a cette balance parmi les musulmans aujourd'hui? Est-ce que les parents sont fiers du tawhid de leur enfant, même s'il y a quelques zigzags en dehors du tawhid, mais qui relèvent de zigzags qui n'auront pas un impact sur son entrée au paradis? Ou bien on voit des parents qui sont fiers ou des tabib, mon fils c'est un médecin, mais ton fils la yusalli. Et lorsqu'on lui parle d'Allah, il se détourne. Il n'aime pas les boulahia, il n'aime pas les barbus, il n'aime pas le jama'. Hein, il interdit à sa femme de mettre le hijab. Sa femme a voulu mettre le hijab, elle a dit, tu mets le hijab, je te divorce. Lakin yaftakhiru bihi. Ce père se vante de cet enfant parce que c'est un médecin. Donc notre izza, elle est dans le tawhid. Donc le plus grand des dhulms, on apprend à notre fils. C'est quand qu'il va plus décevoir Allah, puis nous, c'est quand? C'est quand il va faire shirk. Tout enfant a entendu, ou le dit, met kmish le garro. Mon fils ne fume pas. Ou le dit, indek, adukra mamzianinch. Mais pourquoi mamzianinch? C'est pas parce que raïkhorjo le kaddin. Non, mamzianinch, raïkhorjo ala kraïtsk. Ils sont pas bien parce qu'ils vont te gâcher tes études. C'est pas, ils sont pas bien, ils vont te gâcher din. C'est vrai ou pas? Hein? Et la preuve, c'est quand ils se mettent din à fond, le hiya kamis, c'est pareil. Indek, adou. Parce qu'ils se rejoignent avec les voyous, ils risquent de gâcher les études. Un jour, avec les imen koui, il était en BTS banquier, je sais pas quoi, dans les intérêts. Il a dit, je vais tout arrêter à l'èche. Bah, j'ai entendu haram à la mosquée. Ouais, je t'avais dit, khrjou alik. Comme les autres. Khrjou les voyous, pchite le hiya. D'aller au barbu. Je t'avais dit. Il va rester tout seul, lui. Pas les voyous, pas le jema. Il va faire comment? Non. Ya bounay. Moi, je veux que tu étudies. Ne fume pas. Ne. Mais le plus grand interdit qui va décevoir Allah, puis moi, c'est qu'un jour tu fasses du shirk. C'est un jour que tu fasses du shirk. Donc déjà, nous, il faut qu'on sache c'est quoi le shirk. Ensuite, il faut l'enseigner. Le grand shirk qui fait sortir de l'islam. Vouer un culte à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Demander à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aller à un tombeau, demander à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Égorger pour un mort, égorger pour un wali. Toutes ces choses-là, ça entre dans le shirk akbar, dans le grand associationnisme qui fait sortir de l'islam. Après, il y a le petit shirk. Le petit shirk. La tête de ma mère. Moujoud, ça, c'est un classique. Est-ce qu'on a les parents, ils sont fermes là-dessus. Viens tout de suite et on l'assoit. Ça, je veux plus l'entendre à la maison. C'est du shirk asrar. Tu m'aimes bien. Ma tête, elle a de l'importance pour toi au point que tu jures par ma tête. Mais, Oulidi, tu ne dois pas jurer par ma tête. Hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak. » Celui qui a juré par autre qu'Allah, il a certes associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, mais ça, souvent, comme ça n'a pas d'impact sur le voisinage et la société, mais Alish, nous, hélas, beaucoup aujourd'hui de gens se prétendant musulmans, il faut que mon image soit dégradée dans la société pour que j'aille voir mon fils et lui dire d'arrêter ça. Hein, c'est quand le voisin va venir taper, va dire ton fils, c'est pas bien. Il a fait ça la dernière fois. Hein, alors on va dire, mon fils arrête, hein, majib shli mashakil ma'a jiran. Me rapporte pas de problème avec les voisins. Et problème avec Allah, shirk akbar, c'est pas pire. Donc ça c'est vraiment important, mais ce qui ne veut pas dire qu'on néglige le reste. Ensuite après le tawhid, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Et nous avons certes donc ordonné, conseillé à l'enfant de bien se comporter avec ses deux parents, avec son père et sa mère. Et ça, on le retrouve dans d'autres versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il fait le jumelage entre le tawhid et le bon comportement avec les parents. Al-ihsanu ila al-walidain. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Et certes, votre Seigneur, ton Seigneur, et certes, ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et l'excellence avec les parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans sourat al-Nisa, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Et adorez Allah et ne lui associez rien, et l'excellence avec les parents. Donc Luqman ensuite, hein, qu'est-ce qu'il ordonne? Qu'est-ce qu'on voit dans cette sourate? L'ordre de bien se comporter avec les parents. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Et nous avons certes ordonné de bien se comporter, nous avons certes ordonné à l'être humain de bien se comporter avec ses deux parents. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'a porté wahnan ala wahn, difficulté après difficulté. Certains salaf ont dit jahdun ala jahd, ta'bun ta'bun ala ta'b. Mashaqqatun ala mashaqqa, difficulté après difficulté. Wafisaluhu fi amain. Et son allaitement et son éducation sont faits au bout de deux ans, durent pendant deux ans. Anishkurli wali walideik. Remercie-moi et remercie tes parents. Donc le remerciement des parents va de pair avec le remerciement donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on enseigne à notre enfant, on enseigne à notre enfant qu'il doit bien se comporter avec nous. Qu'il doit bien se comporter avec nous. On lui enseigne que il doit nous obéir tant que l'obéissance est en Allah subhanahu wa ta'ala. On n'entre pas dans une logique occidentale d'auto-épanouissement. Il y a des parents, ils entrent aujourd'hui dans cette logique et ils n'arrivent plus à utiliser le mode impératif avec les enfants. Car aujourd'hui, ils l'ont passé par expérience, ils ont compris qu'ils sont égarés, mais les mécréants ont passé pendant quelques décennies là, les dernières, surtout les années 80-90, la période de l'enfant roi à l'école, au centre des apprentissages, il fait ce qu'il veut. Les familles, c'est pareil, l'enfant roi, c'est presque l'enfant, il peut gifler les parents et toi tu lui en mets une, tu as un dossier chez les assistantes sociales. Pourquoi? Parce que Shaitan les a amenés à ça. Et certains musulmans, hein, par complexe d'infériorité, ils sont rentrés dans cette logique-là. Donc on trouve des parents qui n'osent pas aujourd'hui interdire des choses, surtout quand il y a des gens à côté d'eux. Et eux, comme ils savent ça, et c'est des capitalistes, on remarque qu'ils mettent quoi aux caisses par exemple? Les bonbons, vous avez vu? Mettre les bonbons, tout ce qui attire les enfants. Pourquoi? Il va te dire... tu m'achètes ça? Non. Il va piquer une crise. Toi, t'as honte devant les gens d'utiliser le mode impératif et de faire preuve de fermeté à ce moment-là. Donc, allez, vite, vite, j'achète. Et on voit beaucoup, les mécréants, ils sont comme ça. Mais c'est qui? Il y a beaucoup aussi de gens musulmans qu'Allah nous guide. Or, utiliser le mode impératif en termes d'ordre et d'interdit, ça, c'est un bien pour l'enfant. Il a besoin de se sentir en sécurité et de voir qu'il y a des gens qui le commandent et qu'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et les enfants déséquilibrés, c'est souvent les gens et les enfants qui font ce qu'ils veulent à la maison. Ils n'ont pas de règles, ils font ce qu'ils veulent. Ils jouent quand ils veulent, la télé quand ils veulent, la console quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent. Et quand ils vont au collège, déraillés. Quand ils vont à l'école, déraillés. Maîtresse, elle ne comprend pas. Votre fils, il ne tient pas en place. Mais il ne tient pas déjà pas en place à la maison. Il n'a pas de qanoun, lui. Le père, il ne dit jamais non. Il ne dit jamais, là, il y a une ligne rouge. C'est fais ce que tu veux. Et certaines mamans aussi. Au nom de l'kebda, miskin khali, baqi srer, wahtahna, rakinna ken la'bo, kada. Et il fait ce qu'il veut. Qu'il y ait des invités, qu'il n'y ait pas d'invités, etc. Il n'y a plus de notion d'ordre et d'interdit. Or, dans notre dîn, Allah ordonne et interdit. Et quand il va prier, il va falloir lui ordonner de prier, il va falloir lui interdire de boire de l'alcool, de faire du shirk, etc. Donc, il faut ordonner et interdire. Ça, c'est une obligation. D'ailleurs, Luqman a dit, la tu shirk billah. N'associe pas à Allah. Il n'a pas fait 25 et passé en spirale comme ça. Mon fils serait bien que parce que pour arriver à une conclusion au bout d'un quart d'heure de discours. La tu shirk billah, le shirk, il n'y a pas de concession. Inna shirk la dhulmun azim. Certes, l'associationnisme est une grande injustice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de bien se comporter avec les parents. Donc il faut qu'on enseigne cela à nos enfants. Donc on leur dit qu'ils nous doivent le respect. Ça, c'est pas quelque chose d'archaïque. Hein? On lui dit, il faut que tu me respectes, Oulidi. Moi, je t'ai mis au monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné sur toi, hein, il m'a donné la supériorité, l'autorité, ta réussite, et dans le fait que tu m'obéisses tant que je ne t'ordonne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on dit à nos enfants de nous obéir. Et on leur enseigne ça, garçons comme filles, qu'il faut qu'ils nous obéissent, et de même aux grands-parents, à ceux qui sont au-dessus de nous, qui ont autorité sur nous. Mais est-ce que cette autorité est absolue, sans aucune exception? Non. Qu'est-ce que dit ensuite Allah Jalla fi'ula? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Et si jamais ils te combattent afin que tu associes à moi ce dont tu n'as pas la science, fala tuti'huma, ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas. Et ça, subhanaka ya karim, c'est la beauté de la aqida musulmane. Et le vrai serviteur d'Allah, il n'éprouve aucune gêne à cela. Il n'éprouve aucune gêne à cela, à dire à son enfant, le jour où je te dis quelque chose qu'Allah a interdit, ne m'obéis pas au lidi. Car il se peut que moi je dévie un jour. Il se peut que même j'apostasie. Ça, c'est même des choses que tu peux dire à ton fils. Peut-être un jour, nas'alullah as-salama, mais un jour, si je finis à l'église, tu me suis? Je finis juif, tu me suis? Accroche-toi aux ordres d'Allah. Obéis-moi tant que je ne t'ordonne pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si je te combats, wa in jahadak, ils développent leurs efforts afin que tu associes à Allah ce dont tu n'as pas la science, ne leur obéis pas. Mais le jour où je t'ordonnerai cette chose-là, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, tu devras quand même me tenir compagnie car le lien de parenté reste malgré ma mécréance éventuelle ou bien ma perversité ce jour-là. Tu ne devras pas me faire de mal et tu ne devras pas te comporter d'une mauvaise manière avec moi. Le bir, le bon comportement reste tant qu'on n'est pas en harb, en guerre. C'est une aqida importante, mes frères, qu'on doit enseigner à nos enfants et qu'on doit avoir nous aussi. Qu'on doit aussi nous avoir pour que le serviteur réussisse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc on enseigne ça à nos enfants. Donc première chose qu'il a enseigné, c'est le tawhid. Ça, c'est en lien avec quoi? Al-aqida. Après bir al-walidain, c'est l'aqida ça? Non, ça c'est le mu'amalat, c'est le comportement. Hein, c'est les relations avec les gens. Et c'est même la plus grande des relations. C'est la relation aux parents. Donc il a apporté, lorsqu'il a développé l'aqida, le plus grand point d'aqida qui est l'unicité d'Allah Azzawajal. Il n'a pas dit, oh bunay, il faut que tu crois aux anges. Oh bunay, il faut que tu crois au jour dernier. Non. Oh bunay, la tushirik billah. Oh fiston, n'associe pas à Allah. Ensuite, il lui a parlé des mu'amalat. Il lui a pas parlé du droit du voisin qui est extrêmement important. Il ne lui a pas parlé du respect des frères et sœurs qui est extrêmement important. Il ne lui a pas parlé de l'obéissance au gouverneur qui est extrêmement importante aussi, mais il lui a parlé de gouverneur musulman. Et il lui a parlé de l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. Donc d'abord, il classifie les domaines et dans les unités composant les domaines, il ne parle pas de n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on peut éduquer sans ilm? Est-ce qu'on peut éduquer un enfant sans ilm? Non. Mais ce ilm-là, c'est pas difficile. Là, avec ce dars, tu repars avec quelques outils qui te permettent de, alhamdulillah, de dépanner, inshallah. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, ya bunay, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Il lui a dit, oh mon fils, si jamais c'est l'équivalent du poids d'un atome, et que ceci est dans un rocher, ou bien dans les cieux, ou bien dans la terre, Allah la portera. Allah est latif, hein, il est latif, donc dans sa science précise, subtile, subhanahu wa ta'ala, khabir, il connaît de manière précise l'intérieur des choses. Ici, il lui parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains expliquent ce verset-là, donc par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de ramener quelque chose qui a le poids d'un grain de moutarde, mithqalu habbatin min khardal, que ce soit dans un rocher, les cieux ou la terre, Allah l'amènera. Donc ça parle de la puissance extrême et infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres savants expliquent aussi que c'est en lien avec le hisab, c'est-à-dire l'équivalent d'un grain de moutarde de péché. Ici Luqman, il est en train de parler donc des comptes minutieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait subir yawm al-qiyamah, que rien ne passe à travers les comptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est observateur de tous nos actes, bien comme mauvais subhanahu wa ta'ala. Donc, oh mon fils, chaque regard, tu le retrouveras là-bas. Chaque parole, tu retrouveras ça là-bas. Chaque geste, tu retrouveras ça là-bas. Tu retrouveras ces choses dans l'au-delà, car sache que tu ne parleras pas, ni tu ne feras un geste sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait enregistré. Que ceci ait le poids même d'un grain de moutarde, que ce soit dans le fin fond d'un rocher, en haut dans les cieux, ou bien sous terre, ya'ti biha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala apportera cela. Donc ici aussi on voit quoi? Qu'il faut parler à nos enfants de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'importance des comptes, et donc c'est en lien avec l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose qui stimule le cœur et qui donne une force pour appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui donne une force pour appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont arriver après. Car la salat, c'est important ou pas? Y a-t-il l'islam sans salat? De manière volontaire, non. Bayn al-mar'i والشرك والكفر ترك الصلاة. Il y a entre l'individu et la mère créance le délaissement de la prière. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Une délégation est venue, donc de gens hors Médine, ils sont venus au prophète alayhi salat wa salam. Ils sont entrés en islam, ils ont appris les bases fondamentales de l'islam et ils sont repartis. Quand ils sont partis, le prophète alayhi salat wa salam a dit, le contrat qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il est sorti de l'islam. Observez l'importance de la salat. Mais qu'est-ce qu'a cité Luqman avant à son fils? La grandeur d'Allah Azza wa Jal, afin que la prière elle ait un sens. Car la prière, c'est un résultat de ce que tu as dans le cœur. Quelqu'un qui n'aime pas Allah, pour lui la prière, c'est lourd, c'est une corvée ou c'est un plaisir? C'est une corvée? Al-munafiqoun, les hypocrites, intérieurement, ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, l'ambiance de Médine, vu que la lieutenance, la gouvernance et la force appartiennent aux musulmans, ils sont contraints de prier. Est-ce qu'ils prient tout seuls à la maison la nuit? Est-ce qu'un munafiq il fait qiyam lil à 2h du matin? Allahu akbar, 2 rak'at. Et il lit des longues surat. Non, il ne fait jamais de prière un munafiq la nuit. Et il ne fait pas de prière quand le regard des gens musulmans est absent. Tant qu'il y a des musulmans qui le regardent, il prie pour authentifier son islam extérieur et se préserver. Lorsque le regard des gens disparaît, son islam disparaît aussi. Donc son islam est de pair avec le regard des gens. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit idha qa wa idha qamu ila salat qamu kusala. Et lorsqu'il se lève à la prière, il se lève avec paresse. Il se lève avec paresse. Yura'una an-nas, il regarde les gens par ostentation. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Et il n'évoque Allah que très peu. Donc si on veut que notre enfant fasse sa prière même quand tu ne seras pas là, il faut que en amont tu lui aies fait aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu lui enseignes que lorsqu'il sera tout seul, si toi tu n'es pas là pour voir s'il a prié ou pas, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Donc comme il voit le grain de moutarde dans le rocher, les cieux ou la terre, il te voit toi lorsque je ne suis pas là et que tu es dans ta chambre. Donc il faut lui enseigner d'abord qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite est venue la parole de Luqman, Ya bunay, oh mon fils, aqimis salat, pratique la prière, pratique la prière. Il lui a pas dit prie, mais il lui a dit pratique la prière. Donc pratiquer la prière, pour pouvoir pratiquer la prière, il va falloir avant lui enseigner la prière. C'est pour ça que la sunna elle est très sage. C'est pour ça que la hikma, la sunna c'est al-hikma, c'est le Coran comme il faut. Le prophète alayhi salatu wa salam il dit allimuhum as-salat wa hum abna'u 70. Enseignez-leur la prière alors qu'ils ont 7 ans. Alors qu'ils ont 7 ans. Donc à 7 ans, tu lui enseignes la prière de manière orale et en pratique. Tu lui montres tu lui apprends la Fatiha, tu lui montres quand est-ce qu'on lit la Fatiha, le takbir d'entrée. Sans lui parler d'entrée, takbirat, ihram, les mots techniques, jurisprudentiels. Mais tu fais des rak'at comme ça, nafila avec lui. Tu lui enseignes la prière de manière enfantine afin qu'il comprenne cela de par l'âge qu'il a, il n'a que 7 ans. Et tu lui fais aimer la prière. Tu lui montres aussi les récompenses de la prière afin que lorsque l'ordre vienne à 10 ans, car tu es obligé, point important, le tuteur est obligé d'ordonner la prière lorsque l'enfant a 10 ans. L'enfant est-il obligé de prier lorsqu'il a 10 ans? Sans parler de l'ordre parental. Si les parents n'ordonnent pas la prière. Est-ce que Allah a ordonné à l'enfant de prier à 10 ans ou bien est-ce que Allah a ordonné aux parents d'ordonner aux enfants de prier à 10 ans? Allah il a ordonné aux parents. Donc l'ordre à l'enfant directement d'Allah, il n'y est pas. Donc l'enfant qui ne prie pas à 10 ans, il a des péchés? Non. L'enfant à qui on n'a pas ordonné de prier, dont le tuteur n'a pas ordonné de prier, le tuteur est pécheur? Oui. Oui. Donc, faut pas dire ramashi fard baqi ramashi fard ali akhli hatta yidir 12 ولا كذا لا انت اثمون ومروهم وهم ابناء 10 ومروهم هذا امر لمن للاباء او للابناء امر للاباء ان يامروا ابناءهم بالصلاه او امر من الله للابناء امر للاباء اذا ترك الولد الصلاه ننظر هل الولي امره ان كان امره لا شيء عليه لكن ان لم يامره فهو اثم. Donc à 7 ans on leur enseigne et à 10 ans on leur ordonne la prière. à 10 ans, il faut qu'il fasse ses 5 prières. Il fait ses 5 prières, il les fait à l'heure avec les ablutions. Il ne prie pas sans ablution. Il ne prie pas sans ablution. À ce moment-là, on doit donc lui ordonner de pratiquer la prière. Donc Luqman a dit « Aqimis salah ». Il n'a pas dit « prie » simplement, il a dit « Aqimis salah », fais la prière. Est-ce que la prière, c'est un acte qui a un impact sur l'environnement? Est-ce que c'est un acte qui change le mal donc qui nous entoure de manière directe? Quelqu'un qui boit le vin devant moi, je fais deux rak'at pour qu'il arrête de boire le vin, qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'il fait, c'est un mal ou un bien? C'est un mal. Est-ce que lui ordonner lui interdire le mal en faisant deux rak'at, c'est une voie, ça? Non. Parce que as-salatu qasira, fa'idatuha qasira, d'une manière directe. Après, il y a une lumière dans la maison, etc. Le fait que quelqu'un te voit, ça a quand même un impact. Mais sur le munkar directement, ce n'est pas la voie qui est préconisée de faire de rak'at quand il y a un munkar devant nous. Donc le fait d'ordonner à notre enfant de prier, ça c'est pour son salut à lui. Et ce bienfait, il revient à lui. Mais il est dans un environnement où des gens ne pratiquent pas. Où des gens pratiquent, mais pratiquent aussi parfois du mal. Et il faut le responsabiliser. Notamment dans cette communauté-là, qui est la dernière des communautés, et qui est la communauté qui remplace le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son rôle de transmettre le message à l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens, ta'muruna bil ma'aruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Notre enfant ne lui apprend pas à être un bon musulman comme comprennent certains. Je prie, je bois pas, je fume pas, etc. C'est-à-dire, à mon niveau, au niveau de l'individu, je fais le bien et je ne fais pas de mal. Mais ce qu'il y a autour de toi, خلي راه ما شغلكش ما تدخلش واش سوق كداكشي خلي يسكر ولا يدبر راسو هذا كي سرق اش دخلك فيه هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ça c'est pas la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Notre communauté, c'est une communauté qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète عليه الصلاة والسلام dit والذي نفس محمد بيده, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, certes vous ordonnerez le bien, vous interdirez le mal, ou sinon vous ne serez pas loin de voir Allah envoyer sur vous un châtiment, ensuite vous l'invoquerez et il ne vous exaucera point. Ordonner le bien et interdire le mal, c'est un sixième pilier de l'islam chez certains savants. Chez certains savants, après le hajj, ils ont mis l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Et la lieutenance ne sera jamais donnée à cette communauté tant qu'elle se contentera des actes qui sont simplement à intérêt individuel. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la yansuranna Allahu man yansuruh, et Allah donnera la victoire à ceux qui l'assistent. Qui sont-ils? Alladhina idha makkannahum fil ard, ceux qui lorsqu'on leur donnera le pouvoir sur terre, aqamus sala wa ataus zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ceux qui lorsqu'on leur donnera la lieutenance sur terre, ils pratiqueront la prière, ils donneront la zakat, ils ordonneront le bien et ils interdiront le mal. Walillahi 'aqibatul umur, et c'est à Allah qu'appartient la finalité des affaires, des situations. Et nous, nos enfants, on ne veut pas en faire simplement des gens qui prient, donnent la zakat, qui ont leurs 5 piliers, point, il a fait le hajj et rebelote comme une certaine génération. Alhamdoulilah, c'est suffisant. La abadan. Nous, on veut que ce soit quelqu'un qui propage la religion, qui non seulement la pratique, mais qui lorsque il voit du mal, il le change. Et lorsqu'il voit un manque de bien aussi, il exhorte et ordonne ce bien-là. Sinon, cette communauté sera toujours dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Des gens qui se contentent de prier, d'avoir un CDI, une maison, alhamdoulillah, je bois pas, je fume pas, etc. Non. Donc on apprend à notre enfant à ordonner le bien. Aqimis sala wa amur bil ma'ruf wa nahha 'anil munkar. Ordonne le bien et interdis le mal. Quand tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, est-ce que c'est la belle vie, tout le monde t'accepte? Hein? Non, à ce moment-là, il va y avoir des contraintes, il va y avoir des désagréments. Vous connaissez surat al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, qui s'ordonne mutuellement la vérité et qui s'ordonne et qui se exhorte ou bien s'ordonne mutuellement quoi? la patience. Dès que tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, obligatoirement tu vas avoir des désagréments. Obligatoirement tu vas avoir des épreuves. Pourquoi ? Parce que tu vas à l'encontre des hawa, des passions des gens. Les gens n'aiment pas celui qui vient se mêler de leur vie. Donc il faut enseigner à nos enfants ce droit d'Allah sur nous qui est d'ordonner le bien et interdire le mal. Et notre législation ne sera protégée que par cela. Que par cela. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ et patiente par rapport à ce qu'il va t'arriver. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ car ceci fait partie des obligations à prendre. Il dit ensuite وَاقْصِدْ وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا et ne détourne pas ta joue, ton visage des gens. Il le met en garde contre quoi ? Contre l'orgueil, contre le fait de s'enorgueillir face aux gens. Ne sois pas orgueilleux, même si tu es dans le tawhid, dans la salat, ne t'enorgueillis envers personne. Ne te détourne pas des gens. Donc ici, il parle du akhlaq, il parle du bon comportement. Chose que les gens mettent souvent au-dessus du tawhid, tout en haut. Hein, tout en haut. Ils disent, Ouldi mzien, mon fils est mzien, addab ou kada. Il est poli. Mesror ou allumtu l'islam. Mesror ou kengouli mat kdebsh. Depuis qu'il est tout petit, je lui dis, ment pas. Mesror ou kengouli mat sarakh. Depuis tout petit, je lui dis, tu ne dois pas voler. Mesror ou kengouli mat khunch l'amana. Depuis qu'il est tout petit, je lui dis, il faut rendre le dépôt. Mais il ne lui a jamais parlé de tawhid. Alors, il ne vole pas, il ne ment pas, il rend le dépôt, et il va voir les voyants, il lit l'horoscope, hein, etc. Pourquoi ? Parce qu'il ne lui a pas mis dans l'ordre de priorité les choses. Donc, Luqman, après tout ça, il a dit, « Wa la tusa'ir, en hafs, wa la tusa'ir khaddaka linnas, et ne détourne pas ta joue des gens, wa la tamshi fil ardi maraha, et ne marche pas avec orgueil sur terre. » Et ne marche pas avec orgueil sur terre. Ça aussi, on l'apprend, ça, à nos enfants. Notamment dans les quartiers, ils sont vraiment éprouvés aujourd'hui. Les enfants des musulmans, si vraiment il y en a qui ont une démarche hors islam, c'est pas les mécréants aujourd'hui. C'est les enfants des musulmans. Ils marchent avec la démarche connue des quartiers en balançant les bras et les épaules. Et ça, c'est une démarche d'orgueilleux, ça. Mais c'est une démarche qui relève du comportement des koufars, ça. C'est une démarche d'orgueilleux qu'Allah nous préserve. Wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas avec orgueil. On apprend à notre enfant. Et si on voit, c'est obligé, hein, il va être touché, ton enfant. Tu as un enfant, il sait. Pose-le au collège, il va revenir avec les épaules, là, qui se balancent. Tout de suite, tu le reprends. Laisse pas traîner ça 3 mois, là. 3 mois, c'est trop tard, c'est devenu un tic. Tu le prends tout de suite, avec sagesse, tu lui expliques. Déjà, tu l'avais dit avant, qu'il ne fallait pas marcher avec orgueil. Mais si tu vois qu'il est éprouvé, il faut le reprendre là-dessus. Il faut lui apprendre que avec l'akhlaq il va prendre le cœur des gens et avant tout l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Certes, Allah n'aime pas. Regarde, il a mis en lien avec Allah avant de mettre en lien avec toi. Beaucoup de gens, ils font des reproches à leurs enfants en leur montrant qu'ils les ont déçus. Là, tu m'as déçu, tu m'as blessé, je pensais pas que tu étais comme ça. Même si ces paroles sont réelles et qu'elles ont leur place, avant tout, tu dois lui montrer que il est en train de perdre l'amour d'Allah avec ces actes-là. Et par les bonnes actions, avant de lui montrer que, certes, il t'a rendu heureux, que t'es content de le voir, il se lève au fajr, qu'il lit le Coran, qu'il a des bons résultats et tout, que avant tout, ceci apporte l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aime ça. Et ensuite, donc toujours mets-le en lien avec Allah subhanahu jalla fi'ula. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Certes, Allah n'aime pas tout orgueilleux. L'orgueilleux, al-mukhtal, c'est l'orgueilleux. Fakhur, c'est le vantard. Orgueilleux en lui-même. Et fakhur, c'est le vantard sur les autres. Il se vante. Hein, il se vante sur les autres. Waqsid fi mashik. Et sois modeste. Sois médian dans ta démarche. Waqsid fi mashik. Wardud min sautik. Et abaisse ta voix. Et abaisse ta voix. Inna ankara al-aswati la sautul hamir. Certes, la pire des voix, la voix la plus laide, c'est la voix des ânes. On lui apprend aussi à parler. Et les salafs, rahimahumullah, apprenaient à leurs enfants à ne pas trop parler. On lui apprend à garder le silence. Notamment quand il y a des gens de science, quand il y a des adultes. Ça, c'est quelque chose qui se perd, ça. Il faut apprendre à nos enfants à parler doucement. Avoir un parler pertinent, que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, en sachant que c'est quand même des enfants. Un enfant, ça blablate. Un enfant, ça parle de sujets qui ne sont pas des nôtres. Tu dis pas, ton sujet, il n'est pas intéressant. Son sujet à lui, c'est voilà, il va te parler de tout et n'importe quoi. Tant qu'il n'est pas dans le haram, tu pars avec lui. Et alhamdoulilah, tu discutes de ça. On ne va pas amener nos enfants à avoir un cerveau d'adulte. Mais quand il y a des gens, etc., quand il faut lui apprendre aussi à dialoguer, il y a des enfants, ils sont dans le, toujours dans le... c'est des conférenciers. L'autre en face, il est dans le, il capte simplement. Il faut lui apprendre aussi à échanger, à écouter les autres, etc. Comme a dit Luqman, et la pire des voix, c'est la voix des ânes. Et l'âne, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il crie. Le prophète, sallam, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'on entend un âne qui braie? On dit, A'udhu billahi minash shaitan rajim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Donc ça, c'était quelques fondements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers cette surah-là. On reprend, première chose, parler de aqidah à nos enfants. Deuxième chose, al-mu'amalat, le bon comportement. Avec les parents avant tout, mais avec les gens de manière générale, ce qu'il a apporté à la fin. Ensuite, leur parler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah est capable de tout, que c'est lui qui gère cet univers-là, et que tout acte, toute parole, aussi infime qu'elle soit, sera répertoriée par Allah subhanahu wa ta'ala, on la retrouvera yawm al-qiyamah. Ensuite, on lui ordonne de prier. La prière n'a de sens que lorsque l'on sait pour qui on prie. Et on ne s'arrête pas simplement aux actes qui ont un intérêt individuel, mais aussi aux actes qui sont communautaires, et notamment ordonner le bien et interdire le mal. Et si jamais il prend ce chemin-là, qu'il sache qu'il va être éprouvé par les gens, par Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, à travers les gens qui vont sûrement le critiquer, etc. Et il doit patienter, car ceci fait partie donc vraiment des grandes situations, et de ne pas détourner son visage des gens, donc de faire preuve de modestie avec tout le monde, le riche, le pauvre, l'adulte, l'enfant, celui qui a moins de science que lui, si c'est quelqu'un qui a de la connaissance, etc. Et que aussi il ne marche pas avec orgueil, qu'il fasse preuve de modestie. Et cette hiérarchie-là est celle à respecter afin que l'on réussisse. Mais l'éducation des enfants demande beaucoup plus de paroles que celle-ci. C'était quelques fondements qu'Allah nous permet de les appliquer. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.